des femmes enceintes, des femmes qui ont accouché sur des canots en perdition, l'enfant encore attaché par le cordon ombilical. Tout ça te laisse une colère, un vide dans l'estomac, un trou. Tu penses, tu rêves d'eux, je fais des cauchemars où je revis souvent. Souvent. Aujourd'hui encore, de l'autre côté de la rive, des migrants prennent la route de l'Europe, quittent leur pays, traversent des déserts, attendent dans des maisons des jours entiers, puis tentent leur chance par la mer. Combien survivront à la prochaine traversée? Combien de bateaux coulent sans même qu'on ne le sache? How many people? 150. Your position. There is in danger. Please, you beg, you please don't save us. Your position. In the name of God. Your position. Hello. Hello. En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcés de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcés de se réfugier. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Lampedusa et le drame des migrants. Notre invité, Éric Velmire. Bonjour, Éric. Bonjour, Fabrice. Et journaliste à France Inter, chef du service reportage, spécialiste de l'Italie et amoureux de ce pays. Nous sommes au moins deux, dans ce cas-là. Vous avez été heureux homme, le correspondant de France Inter à Rome. Et vous venez de publier un roman intitulé « Pêcheur d'hommes » chez Robert Laffont. Le cadre de ce livre est donc le drame des migrants dont l'île de Lampedusa est devenue à la fois le symbole et la réalité, à moins que, et vous allez me le dire, ce livre soit d'abord Lampedusa, comme une sorte de déclaration d'amour à cet endroit, et la transformation de Lampedusa à travers le drame des migrants. C'est plutôt de ce point de vue-là qu'il faut le prendre? Oui, il faut changer totalement l'approche. Si je vous demande, enfin vous connaissez l'Italie, donc vous êtes la mauvaise personne pour ça, mais si je vous demande de me décrire Lampedusa, vous seriez bien mal, vous seriez bien en peine de le faire en fait. Parce que Lampedusa, c'est un nom très médiatique, on sait que les migrants viennent y échouer, meurent, sont débarqués là, mais que sait-on vraiment de cette île? Est-elle grande? Y a-t-il des villes à l'intérieur? Un village? On ne sait rien de Lampedusa. Moi, j'ai voulu parler de cette insularité que j'ai appris à connaître en maintenant près de 15 ans, puisque entre mes premiers pas de reporter à Lampedusa au début de la vague d'immigration et aujourd'hui, j'ai eu le temps de la connaître, 20 km². à vélo, de la pointe nord au sud, vous mettez 14 minutes. C'est vraiment tout petit. C'est minuscule, 5000 habitants sur place. Et moi, j'ai côtoyé ces habitants en couvrant le drame des migrants régulièrement. Et j'ai eu envie d'inverser l'approche. On ne parle que de Lampedusa à travers les migrants. Moi, j'ai voulu parler de Lampedusa à travers ses habitants. Et de parler de cette insularité si particulière, parce qu'il y a déjà tous les mots, si on peut appeler ça des mots, mais enfin les problèmes liés à l'insularité, comment se réaliser dans une île minuscule avec en toile de fond le drame des migrants, c'est-à-dire tous les principes de l'insularité, avec en plus ce drame des migrants qui est des plus sensibles, parce que tout de suite, la question que l'on peut avoir aujourd'hui face aux réfugiés qui arrivent donc maintenant chez nous en France, puisque on est confronté maintenant à ce phénomène depuis maintenant quelques mois, quelques années, il est encore plus criant à Lampedusa depuis 12 jours, parce que là, il n'est pas question de savoir si on va accueillir ou pas. Là, c'est à vos portes, en fait. C'est devant chez vous. En France, on peut avoir les idées larges et se dire, ah, il faut avoir une politique d'accueil et tout ça, mais si on vous dit, d'accord, mais alors vous accueillez des réfugiés chez vous, on va y réfléchir à deux fois, même si on a les idées larges et qu'on veut se montrer favorable à l'accueil. Là-bas, on n'a pas le temps de se poser la question. On est tout de suite confronté à un sentiment d'urgence. Des gens viennent d'échouer sur la plage en face de votre maison. Que faites-vous? Vous leur ouvrez la porte ou vous leur dites passez votre chemin? Et c'est toute cette difficulté-là qui frappe des gens qui se sentent abandonnés par les autorités italiennes et européennes depuis maintenant, j'allais dire 25 ans, puisque ce drame a commencé en 92. Et en 92, c'était les premières vagues de réfugiés tunisiens, les premiers Tunisiens à arriver à Lampedusa en 1992. Et j'ai donc prétexter la naissance d'un garçon à Lampedusa en 92 et accompagner son développement. Comment on se réalise sur une île? Alors sur une île, tout de suite, surtout sur 20 km carrés, quand on est gamin et adolescent, on grandit dans quel univers, avec quelle culture, et comment on se réalise? Ce sont ces questions-là qui m'ont véritablement intéressé. Alors vous avez choisi la voie du roman, ce qui arrive d'ailleurs, quoi. On peut avoir une approche documentaire, de journaliste, mais passer par le roman, souvent pour plus de liberté d'ailleurs, liberté narrative. Pourquoi êtes-vous passé par le roman, vous? Oui, pour les émotions aussi. Oui. Parce que faire un essai sur l'histoire de Lampedusa, en soi, je suis pas certain que ce soit... Enfin, moi, ça m'intéressait pas. Faire un livre de journaliste ne m'intéressait pas. Je préférais raconter l'histoire de cette île, mais à travers la chair des émotions. C'est-à-dire, encore une fois, on est un gamin qui grandit dans cette île. Ce que je raconte là, ce sont... J'ai beaucoup aimé, si j'ouvre une parenthèse, ce que disait Éric Vuillard après avoir eu son Goncourt, la vérité a une structure fictionnelle. Je trouvais ça très intéressant, parce que même en faisant un livre dit de journaliste ou un essai sur l'histoire de Lampedusa, on pourra jamais véritablement approcher la vérité, mais parce qu'il faudra toujours tout cimenter, tout expliquer, et ce sera toujours compliqué. Je trouve qu'avec la fiction, on peut, avec du ressenti, approcher une somme de nuances, de complexité et d'émotions qui nous fait approcher une réalité du bout des doigts, parce que on va pouvoir explorer toutes les sommes de nuances qui sont indispensables à la compréhension d'une réalité de terrain. Et si on parle, parce que c'est un roman certes, mais tout ce qui est en toile de fond, c'est-à-dire les migrants et tout ce qui se passe à Lampedusa est réel. C'est-à-dire que de 92 à 2017, les naufrages, les personnages de l'île qui sont par exemple le maire, le médecin, tout ça existe. Mais je me suis mis dans la peau de la population. C'est-à-dire, on grandit avec les éléments naturels, on grandit avec la mer, la culture de la nature, on grandit avec la mafia qui essaye de prospérer sur l'île, on grandit avec toujours cette question partir ou rester. Est-ce qu'il faut être pro ou anti-migrant? Et avec l'île qui se scinde en d'eux, comme partout, c'est-à-dire que doit-on faire par rapport aux migrants, et le ras-le-bol aussi de devoir se déterminer par rapport aux migrants. Et je trouvais que, à travers un roman et une fiction, ces questions-là pouvaient être abordées avec beaucoup plus de sensibilité. Alors justement, cette phrase résume cette sensibilité. Le métier du père de Niccolo, donc le personnage du roman, c'est d'attraper des poissons, pas de pêcher des hommes, ce qui le rend fou. Je crois que tout est un peu dit dans cette phrase-là, non? Ben oui, parce que il faut pas oublier qu'au tout début, ce sont les pêcheurs de Lampedusa qui sont en première ligne. C'est eux qui pêchent les cadavres. Et en fait, ils ramassent, je suis désolé du terme, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que les Africains qui coulent essaient de s'agripper aux mailles des grands filets qu'on lance à la mer pour pêcher le thon. Mmh. Et en fait, en s'agrippant là-dessus, ils meurent ainsi. Et les pêcheurs, en remontant les filets, trouvent les cadavres d'Africains au milieu des thons. Voilà. Et ça, ils l'ont connu. Des femmes avec un fœtus explosé, et tout ça, elles ramènent sur le pont. Et effectivement, des gens sont devenus fous. Enfin, l'histoire du père, le père n'existe pas réellement, sauf qu'il existe. Il existe quand même, parce que des exemples comme ça... Oui, symboliquement, il représente plusieurs personnes qui ont vécu ça. Et c'est là tout l'objet du roman. Et effectivement, au fur et à mesure que les autorités ont essayé de quadriller les choses, c'est-à-dire que maintenant, plus personne ne débarque à Lampedusa. Mmh. Les gens sont récupérés à 100 km des côtes et amenés à Lampedusa parce qu'il y a un centre de rétention où on va pouvoir maintenant identifier les gens. Et donc, la population n'a plus aucun contact direct aujourd'hui avec les migrants. Mais il n'empêche. Il y a une sorte de mélancolie qui s'empare de tous les habitants de Lampedusa. Parce que quand on sait qu'à 50 km au large se jouent des naufrages, des gens qui pataugent, des gens qui risquent leur vie, qui coulent quand même, j'allais dire la santé mentale des habitants de Lampedusa, personne ne pense à la préserver. Parce qu'elle est touchée. Elle est forcément touchée. Quand vous passez votre temps à sauver des gens, ou être confronté à des naufrages, ou à imaginer que vous êtes assimilé à des naufrages, mais c'est très compliqué. On peut le comprendre, effectivement. Et je regarde une carte en même temps que je vous parle. C'est indispensable. Lampedusa est très au sud, même au sud de Malte. C'est à l'est de la Tunisie, mais de la partie sud de la Tunisie. C'est plus au sud que Malte, et c'est bien plus au sud que la Sicile. C'est donc le premier îlot, en fait, la première bande de terre qu'on croise en partant de la Tunisie. Hein, c'est bien ça. On dit même que ça peut être la première île africaine, mais c'est aussi la porte de l'Europe. Ouais. Symboliquement, c'est la porte de l'Europe, et c'est pour ça que beaucoup d'Africains en remontant disent qu'ils veulent aller à Lampedusa parce que c'est la porte de l'Europe. Et vous savez que Lampedusa ne figure pas aussi sur les cartes d'Italie de beaucoup de manuels scolaires italiens. Ça s'arrête à la Sicile. Lampedusa, c'est comme si elle était rognée. Et parce que l'histoire de Lampedusa n'est qu'une histoire de rochers sur lequel personne ne vivait à part quelques ermites pendant très longtemps, et que son histoire ne s'est constituée que ces 50 dernières années, parce que il ne faut pas l'oublier, Lampedusa, et je vous invite à aller sur Google, enfin pour voir les images, Google Images ou autre, Lampedusa a les plus belles plages, mais les plus belles plages de la Méditerranée. Une eau cristalline incroyable, des fonds calcaires, des spots de plongée hallucinants, et c'est une île d'une beauté qui est paradisiaque. Ouais, c'est le mot. Alors, il est dit, notamment en quatrième de couverture de votre livre, l'une des plus grandes hontes, alors Lampedusa, l'une des plus grandes hontes contemporaines. Alors, qui porte la honte? Ce n'est pas les gens de Lampedusa, bien sûr, encore moins les migrants. Qui porte cette honte? Mais la honte, c'est un mot qui a d'abord été employé par le pape, c'est un mot qui a été employé par la presse internationale et la presse italienne qui parlait de Lampedusa comme honte. Honte, pourquoi? On le devine assez aisément, parce que des gens mouraient à quelques miles au large de Lampedusa et que l'Europe n'était pas capable de leur venir en aide ou de venir les secourir. Mais les habitants de Lampedusa ont honte qu'on les voit et qu'on les décrive avec ce mot « honte ». Ils ont tellement honte de ça qu'ils ont honte aussi des journalistes. Et ils disent « honte à vous, les journalistes ». Il y a aussi dans ce roman une autocritique de notre profession, mais presque quand même, où on voit à chaque fois qu'il y a un naufrage important, des reporters avec des caméras arrivés le matin en courant, qu'est-ce qui les intéresse? Vite faire un son du maire, un son d'une ONG. Si on peut faire un migrant, c'est super, ou un secouriste, et on repart le soir en courant sans chercher à comprendre ce qui se passe réellement sur cette île. Et ça, les habitants, ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils sont à la fois soit désignés racistes quand ils veulent pas, quand ils en ont marre de voir toutes ces histoires de migrants et que, au bout d'un moment, ça les déborde et qu'ils préfèrent s'en détourner. Soit, on veut leur donner le prix Nobel de la paix parce que ils sont incroyablement accueillants, débordants de générosité. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que la réalité est forcément plus complexe. Et voilà. Et cette binarité, ils en ont ras-le-bol. Et cette binarité et le visage que leur renvoie le miroir médiatique, en quelque sorte. Et donc, de ça, ils en ont réellement ras-le-bol. Et cette honte-là, il l'adresse également aux journalistes d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors vous avez pris le temps de les rencontrer, de parler avec eux. Et quand ils peuvent tenir un langage qui va au-delà du superficiel, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont désespérés, quoi. Désespérés. Pour la plupart. Mmh. Oui. Au bout d'un moment, il y a une sensation de vide, quoi. Une sensation de vide. Et même encore aujourd'hui, ils se raccrochent toujours à l'espoir que leur île est magnifique, qu'ils l'aiment, qu'ils l'adorent, que grandir ici, c'est une chance inouïe, et que par la beauté de la nature et par le tourisme, ils vont réussir à s'en sortir. Ils espèrent simplement que, effectivement, on parle un peu moins en mal de Lampedusa et qu'ils vont s'en sortir. Mais c'est évidemment un abattement. Et quand je vous parle de problèmes de santé mentale, je vous assure que quand vous devez au détour d'une nuit, parce que d'un seul coup ça vous tombe dessus, aller dans une barque et essayer d'attraper des Africains qui sont recouverts de fioul, qui vous glissent des mains et qui coulent à pic en vous regardant sans se débattre et qui meurent sous vos yeux, ou des gens qui sont pris de convulsions et qui meurent sans que vous ne puissiez rien faire, j'ai vécu ça avec eux il y a 10 ans, et je pense que même en ayant couvert des guerres pour France Inter il y a 15 ans, je suis désolé, j'ai pas vu plus violent que ça, quoi. J'ai pas vu plus violent que ça. Et ces gens-là, il y a personne pour les aider, il y a pas de psy, il y a rien, ils doivent se débrouiller avec ça. Eric, on va écouter une archive, alors des propos plus froids, enfin c'est le propos du maire de Lampedusa qui témoigne dans l'émission Un jour dans le monde, version Nicolas Demorand, c'était le 14 janvier 2016. Sur place, dans l'île, quelles sont vos infrastructures? Sont-elles suffisantes ou sont-elles totalement dépassées? Nous avons un centre d'accueil qui a été restructuré depuis peu de temps. Il a 400 places et jusqu'en septembre, le système a très bien fonctionné. Mais maintenant, je suis un peu inquiète. Après qu'on a institué le hotspot, c'est-à-dire ce mécanisme qui devait permettre le transfert vers d'autres pays européens. Mais en fait, cela ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas, ces hotspots dont on a cessé de parler et qui étaient présentés comme les avant-postes de l'action de l'Union européenne dans cette crise des réfugiés? Non fonctionne absolument. Je donne un dato. Non, ça ne marche pas. Je vous donne quelques données. Dalla sua istituzione dal mese di settembre. Eh bien, depuis septembre que cela a été institué, nous avons pu transférer vers des pays européens depuis Lampedusa seulement 190 et la Grèce 82. Alors que le quota prévoit 40 000 personnes. Eric Valmir, après avoir écouté ce qu'on a écouté, est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe est assez solidaire de l'Italie, pour le coup, au-delà de Lampedusa, de l'Italie face à cette crise des migrants? Non, l'Italie doit se débrouiller seule, c'est pas une nouveauté, c'est l'Italie qui avait lancé l'opération Mare Nostrum sous la présidence d'Enrico Letta. Oui. C'est l'Italie qui a dû le financer, c'est la seule année où on a obtenu des résultats probants, mais ça coûtait quand même très cher, je voudrais plus dire de bêtises, je crois, 9 millions d'euros je vais dire des bêtises, je ne me rappelle plus du chiffre exact. Donc en tout cas, ça coûtait trop cher pour que l'Italie le supporte tout seul, et ils ont donc décidé d'abandonner. Et 3 mois après avoir abandonné, le cercle infernal des naufrages a recommencé. Donc oui, et quand je dis que Lampedusa, les habitants ont honte, c'est qu'ils ont honte aussi du théâtre dont ils sont les victimes. C'est-à-dire que vous avez, quand on veut communiquer sur l'immigration et qu'on veut annoncer de belles mesures, eh bien on vient les annoncer à Lampedusa. C'est formidable. Barroso l'a fait, ouais. Matteo Renzi l'a fait, le pape l'a fait quand même quelque part, Mattarella l'a fait. Donc qui veut fustiger l'Europe ou qui veut au contraire au nom de l'Europe énoncer de grands principes, on vient à Lampedusa, on fait sa déclaration sous 50 caméras et hop, on repart le soir. Et les habitants sont à la fois protagonistes et spectateurs passifs de ce spectacle et de ce cirque médiatique. Mmh. L'Italie a été très longtemps un pays d'émigration, hein, tout au long du XXe siècle. On le sait bien en France, la diaspora italienne est importante en France. Ce pays est en train de devenir un pays d'immigration. Est-ce que ça change la donne italienne dans sa culture, dans ses fondements? Ça, c'est vraiment une grande question contemporaine qui taraude l'Italie, parce que finalement, on peut dire qu'ils peuvent avoir du mal avec ça et non à la fois. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas blanc ou noir. Mmh. La première grande vague qui a été terrible, c'était au lendemain de la chute du mur de Berlin, les boat people, parce qu'on a eu les boat people qui venaient d'Albanie, mmh. qui ont complètement déferlé sur les Pouilles. Et on pensait qu'après cet épisode, qui finalement, on a vu des Albanais partout, des colonnes de réfugiés dans les Pouilles, on a vu des actes racistes de la part d'Italiens qui ne voulaient pas en entendre parler, et aujourd'hui la communauté albanaise est la première intégrée en Italie, avec des postes clés dans l'économie, avec aucun problème, alors qu'il y avait des sentiments anti-albanais. On pensait que, au moment des révolutions arabes, on se doutait que les sud de l'Italie, au printemps arabe de Tunisiens, Égyptiens, allaient envoyer des hordes de réfugiés en mer, et ça a été le cas. On pensait que l'Italie allait se souvenir des débuts des années 90. Ça n'a pas été le cas. Donc, il a fallu encore une fois, comme souvent en Italie, aborder ça sous des sentiments d'urgence, avec des opérations et puis des sentiments très disparates. Il n'y a pas une politique en soi qui est menée. On a l'impression que d'un côté, c'est totalement fermé, mais de l'autre, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population immigrée alimente la main-d'œuvre italienne, de l'économie italienne, car il ne faut pas oublier que c'est un des pays où le taux de natalité est le plus faible en Europe. Oui, et donc, il n'y a pas de main-d'œuvre, il y a des boulots que les Italiens refusent, main-d'œuvre agricole pour beaucoup, et là, c'est quand même 3 millions de migrants, ou d'immigrés plus exactement, pas forcément en situation régulière, qui composent cette force de frappe de la main-d'œuvre agricole italienne. Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture, et c'est pas évident de trouver une cohérence et une cohésion à cette question-là. En tout cas, le cinéma italien très contemporain s'est beaucoup penché sur, et se penche beaucoup sur cette thématique-là. C'est un des thèmes les plus importants du cinéma italien en ce moment, le cinéma dit réaliste. Alors, face à un problème humain qui paraît tellement inextricable, comme d'habitude, hein, la société civile joue un rôle important. Je pense en l'occurrence au travail de l'association SOS Méditerranée, son bateau à Aquarius. C'est un travail efficace, hein? Oui, mais qui est même salutaire. Mais ce qui est incroyable, et j'en reviens à ce que... Encore à l'objet du roman, de ces habitants de Lampedusa qui se sentent totalement abandonnés et isolés, c'est que ça vient de la société civile. C'est tout comme les habitants de Lampedusa qui ont dû se débrouiller eux-mêmes avec ce drame-là et venir en aide, ou pas d'ailleurs, parce que tout le monde n'est pas d'accord pour venir en aide aux migrants, a dû se retrousser les manches pour accueillir, guider, accompagner, parce qu'il ne faut pas oublier que Lampedusa n'est pas une terre d'arrivée, mais un point relais, quoi, une étape pour aller un peu plus au nord et gagner l'Europe. Donc évidemment, Ventimiglia notamment, voilà, pour ce qui concerne la France. SOS Méditerranée et l'Aquarius, c'est le même principe, c'est la prise de conscience de la société civile, parce que la volonté politique ne suit pas. Alors je rappelle, évidemment, Eric, le sujet dont nous parlons est malheureusement complètement d'actualité, puisque le naufrage de l'embarcation partie de Libye vers l'Europe a bien causé la mort d'au moins 10 migrants en Méditerranée le week-end dernier, selon le dernier bilan transmis hier. Plus d'une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles de jeunes enfants, sont toujours portées disparues. Voilà, un premier cadeau est parti de Garabulli, à 50 km à l'est de Tripoli, dans la nuit de vendredi à samedi. C'est au bout de 8 ou 9 heures qu'il a commencé à se dégonfler et à prendre l'eau. Dans la panique, beaucoup de personnes sont tombées à l'eau, tandis que d'autres ont attendu les secours, accrochés à ce qu'il restait du canot, avec les cadavres de leurs proches flottant autour. C'est macabre ce que je dis, mais c'est la réalité, il faut la rappeler. D'un mot, Fabrice, avant il y avait des chalutiers classiques qui partaient. Aujourd'hui, les bateaux, les migrants les font avec les passeurs sur la plage. Ils prennent des bouées qu'ils gonflent, ils mettent des planches, ils les clouent et hop, et l'embarcation ne peut pas tenir 10 heures. On va écouter une toute dernière archive. Gérard Collomb, ministre français de l'Intérieur, qui le 18 décembre dernier s'expliquait sur la politique d'immigration de ce gouvernement-là. On voit bien aujourd'hui en France, nous avons 95 000 demandes d'asile par an. Ça veut dire une grande ville chaque année. Si évidemment nous accueillons tout le monde, nous ne pourrions pas accueillir dans de bonnes conditions. Et donc nous avons décidé de pouvoir accueillir celles et ceux qui sont réfugiés des théâtres de guerre, qui sont prisonniers politiques, mais en même temps d'essayer de mener une politique qui permette que les migrations économiques soient gérées de manière autre. Si vous voulez, lorsque, par exemple, à la frontière italienne, Il arrive 50 000 personnes par an. Est-ce que j'accueille tout le monde? Vous voyez, en Allemagne, il y a eu 300 000 déboutés du droit d'asile qui essayent de venir en France. Est-ce qu'on accueille tout le monde? Non, on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc, c'est tout simplement la raison qui nous guide et nous allons le faire de façon très humaine. Bon, c'est toujours les mêmes discours, hein, finalement. On peut pas accueillir tout le monde, mais on va faire pour le mieux de façon humaine, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais c'est compliqué. Hein. Je me suis déjà malheureusement énervé. Il était pour rien, le pauvre, avec Yannick Jadot sur cette antenne. Mais parce que les députés européens ne me semblent pas donner la mesure. On a l'impression que c'est un show politique électoral dans tous les pays. Or, c'est un problème trop grave pour qu'on joue avec les électeurs et qu'on joue avec de la politique politicienne. Il faut réellement trouver des solutions et des politiques alternatives. Et j'espère qu'elles seront trouvées dans les années qui viennent. Ce sera le mot de la fin, Éric Welmire. Je rappelle le titre de votre livre, Pêcheur d'hommes. Alors c'est un roman très ancré dans la réalité, on l'a dit, publié chez Robert Laffont. Et puis les auditeurs peuvent lire aussi l'interview de vous dans un magazine bimensuel, novembre-décembre, qui s'appelle Radici. La moitié est écrite en gros hein, en italien, l'autre en français. Oui, si vous êtes italienne, si vous êtes italophile, elle est formidable celle-là. Radici, ça veut dire racine, je crois. Oui, Radici. C'est ça. Merci Éric, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Lampedusa et le drame des migrants, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Évidemment, demain, nous évoquerons les inondations de Vaison-la-Romaine en 1992.